L'association La Casaoise de Lille, en partenariat avec le Café des Sarrasins et le restaurant La Popote, organise le 1er avril 2024 pour la 3e édition le lundi de Pâques. Son festival aura lieu de 12h à 21h, rue de l'hôpital Saint-Roch, quartier Oisem à Lille. Dégustation de pâtes, c'est l'occasion pour toi de ramener ta sauce maison. Au programme, la fanfare Piston Beer Orchestra, Gigi Selmar, Gilles Defac, Scott Taylor, Captain Spark et la Royal Company. Festival retransmis en direct sur Radio Campus Lille 106,6, campuslille.com et le DAB+, à l'occasion de ses 55 ans. Rendez-vous donc le 1er avril prochain à Oisem, festivité gratuite et non payante. Qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Particulièrement aux États généraux, de la presse indépendante qui ont lieu ce mercredi 3 avril à l'École supérieure de journalisme. Donc Didier au micro, nous en parlerons avec Jacques Transeau, directeur du média local d'investigation en ligne Médiacité. Donc Jacques Transeau qui a travaillé aussi dans la presse, disons, dans la grande presse, aux Échos, à La Croix, à Liaison Sociale, à L'Express, entre autres. Bonjour Jacques. Christian à la technique, donc, mais ça ne le rend pas fun et ça ne va pas l'empêcher d'intervenir. Didier, votre serviteur, donc, il remplace à l'animation générale, donc une lourde responsabilité. Et Ludovic et Morgane, donc, qui poseront leurs questions avec la pertinence et la pugnacité qu'on leur connaît. Mais c'est d'abord Christian qui va poser les premières questions sur l'origine, la jeunesse des États généraux de la presse indépendante. On attend le coup de téléphone de Jacques pour le moment, ce qui fait qu'il n'a pas encore entendu. Il n'a pas encore entendu ta présentation. D'accord. Jacques, si tu nous écoutes. Oui, donc on avait déjà reçu Jacques Transeau il y a quelques temps, donc il nous avait fait une... C'était justement sur le même thème des médias, mais c'était plus sur la droitisation des médias. Je comprends. Vas-y. Oui. Jacques, tu m'entends ? Oui, c'est bon. Oui. Bonjour, Jacques. Donc, bonjour. Bon, j'avais fait les présentations. Je t'avais. J'avais parlé un peu de Médiacité, j'avais un peu parlé des médias plus traditionnels dans lesquels tu avais travaillé. Et bon, donc on va s'intéresser dans cette émission évidemment aux états généraux de la presse indépendante, mais aussi à leur historique, aux 59 propositions, aux médias. Et là, je vais laisser la parole à Christian pour te poser les premières questions. Oui, bonjour Jacques. Un tout petit peu d'histoire hein, pour introduire le thème. Sans m'étendre trop longtemps, je voudrais retenir quatre dates où il était question de lois, de règles, de chartes de la presse. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais j'ai retenu essentiellement, évidemment, les ordonnances de 1944. Les ordonnances de 1944, les deux chartes de Munich sur le journalisme, la loi de 1986 portant réforme juridique de la presse, évidemment les états généraux de l'information de Macron, et puis les états généraux de la presse indépendante dont Didier vient de parler. Voilà, un mot peut-être sur l'histoire ? Oui, c'est bien de commencer par ces fameuses ordonnances de 1944, parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, on est au mois d'août 44, la guerre n'est pas encore finie, et déjà, des hommes et des femmes se réunissent pour essayer de repenser la presse, après qu'elle ait grandement collaboré avec le régime nazi durant les 4 années précédentes. Et ces ordonnances sont très très belles à relire. J'ai appris par cœur l'article 1 et l'article 3, et je pense qu'il faut que tout le monde les retienne bien, parce que dans la situation actuelle, elle résonne particulièrement. L'article 1, je cite de tête, c'est que la presse n'est pas un instrument de pouvoir commercial, mais un instrument de culture. Voilà, article 1, un instrument de culture. Voilà, et c'est intéressant à l'heure des milliardaires, comme on les appelle souvent, et qui contrôlent une grande partie des médias en France. La suite, c'est sa mission est de donner des informations exactes. Voilà, sa mission est de donner des informations exactes. Alors on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait quand même du bien de le rappeler à l'heure des fameux fake news. Et moi j'ai mémorisé également l'article 3, qui est très beau, et qui dit de tête, là encore, la presse est libre si elle ne dépend ni des puissances, de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais elle n'est libre que si elle ne dépend que de la libre conscience des journalistes et des lecteurs. Et là encore, je trouve que c'est fondamental de se remémorer ça, de se remémorer le souffle qui animait les résistants en 44, qui ont essayé de repenser la presse. Et 80 ans plus tard, à l'occasion des États généraux, j'espère bien qu'on aura le même souffle, la même envie de refondre profondément et d'aider en fait un secteur de la presse qui va mal, parce qu'il y a un enjeu citoyen, un enjeu de démocratie, comme vous le savez. Oui, et en plus je me disais c'est presque littéraire comme texte, les chartes de 44. Donc ensuite il y a les deux chartes de Munich, c'est intéressant parce que elles sont tirées du droit de la presse français de 1918 et de 1938. Bon, il y a deux chartes, une charte pour les journalistes et une charte pour les journalistes. Bon, ensuite, la loi de 1986, c'est la réforme juridique de la presse. Alors là, on est effectivement assez loin de la réalité d'aujourd'hui. Puisque, alors on peut en parler, parce que la grande loi actuelle qui régit le secteur des médias, c'est celle de 86. Vous imaginez, on est 38 ans plus tard. Et vous imaginez ce qui s'est passé en 38 ans. Il y a 38 ans, on ne parlait absolument pas d'Internet, on ne parlait absolument pas des réseaux sociaux, on ne parlait absolument pas de multimédia, et autant de choses, et évidemment encore moins des plateformes style Google, Facebook, Meta, Instagram, TikTok et les autres. Hein. Donc avoir une loi aussi obsolète, vous comprenez bien qu'il faut profondément la changer, et pas uniquement parce qu'elle est obsolète, mais aussi parce qu'elle est injuste, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais elle est calée sur des critères qui sont avant tout des critères de diffusion de la presse, donc plus un journal est important, plus il reçoit d'aide, et je pense qu'il faudrait profondément changer les critères pour essayer de les caler sur les dépenses éditoriales, c'est-à-dire là où l'argent est versé pour de la production d'infos professionnelles et indépendantes. Et ça me semble fondamental, mais malheureusement, je ne suis pas sûr que le gouvernement en fasse une de ses priorités. Et pourtant, le quatrième événement dont je te parlais, ce sont les états généraux de l'information de M. Macron. Oui, alors Emmanuel Macron, il part d'une intuition. Ça fait longtemps qu'il a cette intuition, c'est qu'il faut se pencher sur la question du pluralisme. Le pluralisme des médias qui est mis à mal. Son autre intuition, c'est qu'il faut absolument comprendre ce qui se passe avec les fameux GAFA. Hein. Donc GAFA, c'est l'acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc toutes ces plateformes qui viennent bousculer le marché de l'information. Et puis son autre intuition, c'est qu'il faut contrer les ingérences de puissances étrangères dans le monde médiatique. On a pris conscience pleinement à l'occasion de la première élection de Donald Trump. On en a pris conscience un an plus tard à l'occasion de la première élection d'Emmanuel Macron, et on a vu qu'il y avait des interférences, c'est-à-dire des puissances étrangères, on pense avant tout à la Russie, mais pas uniquement, qui viennent infiltrer en quelque sorte le monde des médiatiques, hein, par des contenus biaisés, qui n'ont rien à voir avec de l'information, mais qui peuvent peser et qui sont viraux, parce qu'ils correspondent au canon des grandes plateformes dont je vous parlais. Donc l'intuition du président Macron, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il le lance finalement avec un an de retard en octobre, et globalement, le public ne s'en rend pas compte, parce que c'est pas porté comme, je pense, ça le devrait. Et nous autres journalistes, et notamment journalistes indépendants, on craint que ça finisse d'accoucher d'une souris, hein, qui n'est que des mesurettes, alors que, et je voulais signaler à l'instant, il nous semble absolument nécessaire de prendre des mesures radicales, parce qu'il y a un danger. Il y a un danger mortel pour certains journaux. Il y a des journaux qui disparaissent et des journaux qui disparaîtront demain. C'est pour ça qu'on a créé en parallèle aux états généraux officiels, qui doivent se terminer en juin, avec des préconisations. Mmh. Pour peser sur ces états généraux officiels, on est à une centaine de collectifs, de médias indépendants et de collectifs, de syndicats de journalistes, mais également d'associations citoyennes comme ATTAC, comme la Ligue des droits de l'homme, et j'en passe. On a essayé de peser en proposant nous-mêmes des mesures, en espérant qu'elles soient adoptées par les gens qui s'occupent des états généraux officiels. Voilà. Et on a perdu 59 mesures. Voilà, ouais. Alors, je ne vais pas toutes vous les lister, je vous écouterai me poser quelques questions pour détailler certaines d'entre elles. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver sur le site de Mediacité que je représente. Donc, mediacité.fr, c'est en accès libre. Oui, alors, effectivement, donc, je voulais aussi souligner combien les trois premières dates ont été malmenées par la presse actuellement. On va voir ce qu'en fera Macron. Avec ces états généraux de l'information, à ne pas confondre avec les états généraux de la presse indépendante dont nous allons parler maintenant. Effectivement, pour cet état généraux de la presse indépendante, j'ai relevé que 100 médias étaient engagés, même un peu plus, il me semble, des syndicats patronaux, les syndicats de journalistes, SNJ et SNJT, 700 participants, 4h30 d'information, c'était le soir du 30 novembre de mémoire, et les 59 propositions dont tu viens de parler pour libérer l'information. Voilà pour les chiffres. On se posait la question de savoir pourquoi autant de propositions. Alors, déjà, je fais une toute petite rectification. Il y a une centaine de participants qui ne sont pas que des médias, et il n'y a pas les éditeurs de presse, en tout cas pas tous les patrons. Non, j'imagine bien. Il y a certains patrons, notamment ceux qui sont réunis au sein du syndicat de la presse indépendante qui s'appelle le SPIL. Hein. Alors, écoutez, autant d'organismes aboutit à beaucoup de propositions. Parce que chacun défend celle qui lui semble importante. Et on a brassé très large, hein. On a abordé les questions de la gouvernance, c'est-à-dire qui doit décider dans une entreprise de presse. Est-ce que ça doit fonctionner comme une entreprise classique, ou est-ce que parce que l'enjeu est un enjeu d'intérêt général, la production d'informations libres et indépendantes, est-ce que cet enjeu-là ne doit pas imposer des règles de gouvernance différentes avec un équilibre des pouvoirs différent, donc notamment plus important au profit des journalistes, hein, pour venir compenser en quelque sorte l'ultra pouvoir des actionnaires en temps normal, hein. Donc les questions de gouvernance, ça fait un certain nombre de propositions, les questions de transparence sur les entreprises de médias, parce que il y a ce scepticisme incroyable du public par rapport aux entreprises de presse et par rapport aux journalistes. Scepticisme qui est souvent justifié, et du coup une des façons d'essayer de regagner la confiance, c'est d'être plus transparent sur qui contrôle les médias, quel est l'argent que touchent les médias, quelles sont les aides publiques que touchent les médias, etc. etc. Il y a énormément de mesures sur les modes de financement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de 1986, on pourrait parler des aides à la presse qui sont totalement obsolètes aussi, donc pas mal de propositions pour non pas demander plus d'argent, mais juste pour demander que ce soit mieux réparti et qu'on marche pas sur la tête, comme c'est le cas actuellement. Et puis après, il y a beaucoup de propositions sur le secret des sources, sur le secret défense, sur la loi de 81, c'est-à-dire tout le corpus juridique qui aide les journalistes à faire leur métier et qui est sans arrêt attaqué, et on y reviendra sans doute. Et puis il y a également une série de préconisations sur la lutte contre la précarisation de ce métier, parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de journalistes précaires, et quand je dis précaires, c'est smicards, voire moins que smicards. Et vous comprenez bien que quand on est en difficulté comme ça, sur un plan financier, qu'on n'est pas rattaché à une rédaction, c'est-à-dire qu'on est pigiste, c'est-à-dire journaliste indépendant qui propose des piges, donc des articles au coup par coup à des médias, eh bien, cette fragilisation a des incidences, a des conséquences sur la qualité de l'information, et on ne peut pas tolérer que ce métier se précarise autant parce qu'il en va de la qualité de la presse et donc de l'information du public. Il y avait ceci explique pourquoi 59 mesures. On aurait pu aller encore au-delà. Oui, oui, mais je me disais aussi, c'était certainement l'expression de la diversité des situations. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ces états généraux, c'est la diversité de ceux qui se réclament de la presse, la diversité dans les formes de financement, tu viens de l'évoquer, la diversité des formes juridiques, des rythmes de diffusion, de support, de statut, tout ça avec quand même une assez forte propension à l'investigation. Oui, alors dans les médias indépendants, effectivement, il y a beaucoup de structures différentes. Hein. Il y a des structures associatives, il y a des structures coopératives, il y a des structures commerciales classiques. SARL, oui. Mais voilà, SARL, SAS, c'est ça. Mais la principale caractéristique commune, c'est que c'est souvent des petites structures. C'est-à-dire, si on met de côté Mediapart, si on met de côté Alternative Économique, on a plutôt des petites à très petites structures, hein, et qui souvent vivotent. Parce qu'elles ont du mal à toucher le public. Mais si vous voulez, il ne suffit pas d'avoir des bonnes infos pour qu'elles baissent dans l'opinion publique, parce qu'encore faut-il les faire connaître. Et Internet est à la fois génial pour les faire connaître, parce que le ticket d'entrée est faible. Tout le monde peut diffuser demain de l'information sur Internet. C'est pas forcément de l'information journalistique, mais en tout cas, tout le monde peut publier du contenu sur Internet. C'est très facile. Vous pouvez ouvrir un blog en 30 secondes. En revanche, pour que vos articles soient perçus, là, c'est un autre problème. C'est un gros problème. C'est-à-dire qu'au niveau de la diffusion, tout est un peu écrasé par le jeu des plateformes, les fameux GAFA dont je parlais tout à l'heure, et donc qui, en fait, grâce ou à cause de leur algorithme, donc leur recette interne obscure, dont on ne connaît pas les critères, viennent peser sur le poids qu'on donne à telle ou telle information. Et le poids, il ne dépend pas de la qualité de l'information, il dépend de l'émotion suscitée par l'information et du partage de cette information. Et donc les critères et la hiérarchie habituelle de l'information est bousculée par ce jeu des GAFA. Et donc dans ces conditions, les petits médias indépendants ont du mal à percer parce qu'ils passent sous les écrans radars des algorithmes des GAFA et ne sont pas portés à la connaissance d'un très large public. Voilà. Donc hétérogénéité des statuts, mais surtout concordance sur la petite taille. Et c'est ce monde-là qui est en train d'émerger, avec difficulté, mais qui est en train d'émerger et qui part sur des bases saines par comparaison aux grands médias qui sont malheureusement contrôlés par des gens dont l'activité de presse n'est pas l'activité essentielle et qui s'achètent des journaux pour d'autres raisons et souvent de mauvaises raisons. La seule bonne raison de s'acheter un journal, c'est de déployer de l'information indépendante de qualité. Et quand un milliardaire achète un média, que ce soit Bolloré, Bouygues, Niel ou les autres, c'est avant tout pour de l'influence et aussi pour son business de fond, c'est-à-dire son business central, qui n'est pas un business lié à une activité éditoriale. Deux mots simplement. Pour ajouter, pour repréciser ce que tu as dit, donc les 59 propositions sont organisées en paquets, donc concentration, actionnariat et droit des rédactions. Renforcer le droit de l'information, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est lutter contre la précarisation des journalistes. Et enfin, tu l'as déjà évoqué, tous les points d'ailleurs, c'est réformer les aides publiques à la presse. Encore un mot, je rappelle quand même les statistiques de notre de Politis. 90% pour aller dans ton sens, 90% des journaux appartiennent à 10 groupes financiers et 44% de la télévision à 3 groupes financiers, Bouygues, Bolloré et Drahi. Parmi les différentes propositions, quelles sont celles que tu prioriserais ? Alors, juste une précision, Drahi vient de vendre. Ah oui, c'est vrai. À Saad, donc il faut changer le nom des milliardaires, mais globalement, ça ne change rien du panorama général dressé par Politis. En effet. Hein. Politis qui va d'ailleurs participer avec Mediacité et d'autres médias aux états généraux de la presse indépendante et à la soirée du 3 avril, puisque dans quelques jours, à Lille, à l'ESJ, se tient ce grand rassemblement ouvert au public, gratuit, où on va aborder toutes ces questions. On y viendra, donc, oui. On en reparlera dans la troisième partie, justement. Mmh. Parfait. Et donc, du coup, qu'est-ce que je prioriserais ? Alors, peut-être. Pour moi, il y a un enjeu, alors c'est un peu technique, mais il y a vraiment un enjeu en termes de diffusion. Donc je vais faire un petit détour historique, parce qu'il faut toujours revenir à l'histoire. La loi Bichet, du nom du parlementaire de l'époque, c'était au lendemain de la guerre, hein. Je pense que c'est 47. La loi Bichet, dite loi des kiosques, a imposé que le système de distribution des journaux soit en quelque sorte égalitaire. C'est-à-dire que c'était pas parce qu'on était un grand ou un petit journal qu'on n'avait pas le droit d'être présent dans tous les kiosques de France. C'est cette inspiration-là qu'il faut reprendre à son compte pour imaginer une sorte de loi Bichet du numérique. C'est-à-dire que, et je l'ai déjà un peu abordé, mais il ne suffit pas d'être sur Internet pour être perçu. Donc il faut que la puissance publique trouve le moyen d'aider à ce que tous les médias, même les petits, disposent d'une caisse de résonance en termes de diffusion. Et ça veut dire réglementer les fameux GAFA, réglementer les algorithmes. Il ne faut pas tolérer que des entreprises commerciales dont l'activité essentielle est de vendre de la publicité, et je parle de Google, de Facebook et des autres, il ne faut pas tolérer que ce soit eux qui régulent le marché et la visibilité de l'information. Il faut absolument que la puissance publique puisse intervenir au nom de l'intérêt général pour que les fameux algorithmes répondent à des critères notamment de pluralisme, et pas uniquement à des critères commerciaux. Voilà, ça c'est le fondement. Ce sera très dur, hein, parce que ce sont des puissances énormes qui sont souvent bien supérieures à la puissance politique. Qui ne se laissent pas faire, en effet. On a laissé l'économie prendre le pas sur la politique. Hein, ils ne se laisseront pas faire. Mais c'est quand même un combat à mener. Donc pour moi, c'est ça la priorité. Et le deuxième point, là encore, c'est technique. Ça passe largement, et ça passera largement par-dessus la tête du public, mais c'est important, c'est que les aides à la presse, l'argent, on cherche de l'argent actuellement, hein, on cherche à faire des économies. Hein. Et ben, moi, je pense que le système des aides à la presse, sans dépenser un euro de plus, doit être profondément revu pour le bien du pluralisme de la presse et de la qualité de l'information, puisque ces critères sont totalement, je me répète, obsolètes et injustes. Les aides publiques, par exemple, les principales aides publiques sont déversées pour le groupe Le Parisien Les Échos, qui sont propriétés de LVMH, LVMH étant propriété de Bernard Arnault, l'homme le plus riche au monde. Donc, qui cherche de l'argent. En matière d'aide à la presse, les principales aides sont versées au groupe qui est détenu par l'homme le plus riche du monde. Donc on marche sur la tête. On passe la parole à Didier. On va revenir aux états généraux de la presse indépendante lillois en troisième partie d'émission. Là, je voudrais simplement que tu nous dises un peu, on parle de Mediacité, enfin, dont tu es le directeur, média numérique local d'investigation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est Mediacité et quelle proposition parmi les 59 s'applique le plus à Mediacité ? Alors, Mediacité, ben c'est un média en ligne, exclusivement en ligne. On l'appelle le journal d'investigation locale. multi-villes. Alors, j'explique le concept. On est déjà des anciens de l'Express qui avons quitté l'Express lorsqu'un milliardaire a racheté l'Express. On était en 2016. On s'est lancé avec le goût de l'enquête et l'indépendance chevillée au corps. On n'existe que sur Internet. Et notre idée, c'était de développer l'enquête, le scoop quand on trouve, dans les grandes villes françaises. Donc, on n'est pas à Paris. On ne diffuse rien sur Paris. On ne s'intéresse pas à Paris. On tourne le dos à Paris parce que le pays est trop centralisé et le pays médiatique est encore... Et on s'intéresse aux grandes villes. Donc, on est présent pour le moment dans quatre grandes villes, qui sont Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Et on propose, sur abonnement, des enquêtes de fond, des scoops, je répète, quand on trouve, aux habitants de ces villes, plus exactement de ces métropoles, hein, puisque à Lille, on ne s'intéresse pas qu'à la ville de Lille, mais également aux 95 communes de la métropole européenne. D'accord. De Lille. Voilà. Donc ça, c'est Médiacité. Et il faut juste retenir que c'est un média de journalistes pour le public, en toute liberté, en toute indépendance, c'est l'indépendance qu'on s'est offert. Voilà. Donc, par rapport à la question que tu poses sur les états généraux, pour nous, ce qui compte beaucoup, c'est les procédures bâillons. Alors, c'est nos attaques en justice, parce que Médiacité a donc pas encore 8 ans, et on a déjà été attaqué 21 fois en justice. Essentiellement pour diffamation, souvent par des élus locaux, qui n'ont pas aimé nos articles car ils les ont jugés diffamatoires. On gagne la plupart du temps, mais on gagne au prix d'une débauche d'énergie, de temps et d'argent. Parce qu'en droit de la presse, qui est un droit pénal, c'est très compliqué d'obtenir des dommages et intérêts. Voilà. Donc pour nous, il y a beaucoup d'énergie, de temps et d'argent gâchés pour pas grand-chose. Ça encombre les tribunaux et on pense qu'on est plutôt dans l'ordre des procédures bâillons parce que, évidemment, chacun peut rester en justice pour faire défendre ses droits, mais on sait pertinemment que certaines actions sont menées juste pour nous nuire et nous nuire économiquement parlant. Donc pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait agir. Parmi les 59 mesures, il y en a une qui porte sur ces fameuses procédures bâillons. Et Ludovic va en venir plus précisément sur ce point. Je voudrais simplement, brièvement, ce que tu peux nous dire un peu quel scoop vous avez sorti et sur quelles enquêtes éventuellement vous êtes actuellement. Alors, les scoops, franchement, il y en a très souvent. À Lille, par exemple, le dernier gros scoop en date, c'était quand même, on a publié des extraits d'enregistrement d'une qui a été déclenchée par la préfecture pour décider de la suppression de l'agrément pour le lycée musulman Averroès. Vous avez sans doute pas entendu parler de cette histoire. Bien sûr. Et donc, c'est le principal lycée musulman de France. Il bénéficie d'un agrément qui lui donne accès à des aides publiques pour des motifs qu'on estime fallacieux ou en tout cas surestimés. Le préfet a demandé la suppression de cet agrément qui, en quelque sorte, aboutit à condamner à mort ce lycée qui ne démérite pas, hein, qui est classé parmi les meilleurs lycées de France pour ses résultats. On a beaucoup enquêté là-dessus, on a publié des enregistrements qui montrent comme l'instruction en quelque sorte menée par le préfet a été menée à charge. Et c'est assez éloquent, donc je vous invite à écouter ces enregistrements. Sur d'autres domaines, on s'est beaucoup intéressé à Junia, qui est la grande école d'ingénieurs, enfin qui recoupe plusieurs écoles d'ingénieurs de l'Institut catholique de Lille. On a révélé sa fuite en avant et ses grandes difficultés financières. On est connu pour les problèmes des frais de Monsieur Castelin, le président de la métropole européenne de Lille. Hein, en effet. Dernièrement, on a épinglé les élus du comité d'entreprise de Ilévia qui semble avoir confondu leur poche personnelle avec l'argent du CE, etc., etc. Et en dehors de Lille, vous avez pas mal de scoops sur ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire les polluants éternels qui minent en fait la vie des habitants du sud de la métropole de Lyon à cause de pollution chimique. Dernièrement, on a révélé des plaintes pour viol contre un prêtre du Lot qui a été depuis démis de toute fonction pastorale, etc., etc., etc. Donc on arrive avec une petite équipe à sortir des informations exclusives. Effectivement, je vais passer la parole à Ludovic sur justement ce dont tu parlais sur la presse. Outre les procédures Bayon, il y a la question du secret des sources, parce que les journalistes effectivement ont ce bouclier. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur la question du secret des sources et les menaces qu'elles pèsent sur ce secret? Il y a eu l'affaire là, je crois que c'était Discord voilà, qui avait révélé effectivement des malversations en Égypte, et la journaliste s'était vue avait été convoquée par le ministère des Armées, enfin voilà, il y avait véritablement le secret de source est éventuellement menacé dans le cadre de cette offensive dont tu parles. Je vais reprendre le cas parce qu'il est éloquent. Le cas de cette journaliste de Disclose, qui est un petit média indépendant. La journaliste s'appelle Ariane Lavrieux. Elle a travaillé sur les ventes d'armes de la France à l'Égypte. L'Égypte n'étant pas connue comme une démocratie. Les ventes d'armes ont été autorisées parce qu'elles devaient servir dans un cadre militaire. Et en fait, Ariane Lavrieux a prouvé que ces armes françaises étaient utilisées contre des civils par l'Égypte, ce qui n'est pas du tout toléré par les règles. Et donc le ministère de la Défense et les services de renseignement, donc la DGSI, a toqué à son domicile un beau matin, à 6h du matin, et elle s'est retrouvée entourée de policiers du renseignement, d'un juge d'instruction qui a réquisitionné ses ordinateurs, réquisitionné ses téléphones portables et a conduit Ariane Lavrieux en garde à vue pendant 39 heures. Et le but, c'était de retrouver la source interne qui avait informé Ariane Lavrieux de ses ventes d'armes. Alors on pourrait dire, mais c'est important, parce que c'est la défense nationale, on peut pas comme ça laisser de l'information confidentielle défense circuler, sauf que il faut aussi enquêter sur les ventes d'armes, il faut aussi comprendre si la France respecte les règles. On a interdiction formelle de vendre des armes pour commettre des atrocités contre les civils. Et donc tout ça, ça s'enquête. Et donc il faut absolument protéger les sources. D'ailleurs, Ariane n'a même pas été mise en examen depuis cette perquisition et cette garde à vue. Le but ultime a été de retrouver la source. Donc nous, les journalistes sans source, on ne peut pas travailler. Et donc si les sources ne sont pas défendues, et qu'on envoie comme ça des policiers, des services de renseignement pour essayer, envers toutes les réglementations de la liberté, des droits de l'homme et des libertés publiques, pour essayer de remonter à la source, on n'est plus tout à fait en démocratie, quoi. Enfin, franchement, c'est grave. Donc le secret des sources, c'est un pilier, un point fort, sans lequel on peut pas travailler, donc il faut le protéger. Et derrière ça veut dire quoi? Ça veut dire que au nom du secret défense, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que le secret défense est un principe important, mais très flou. Donc il faut absolument des garanties, et les garanties peuvent être apportées par exemple par un magistrat, un juge des libertés, qui viendrait statuer si oui ou non il faut saisir le secret défense, ou si ce n'est pas justifié. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors il y a d'autres problèmes juridiques qui se posent, notamment quand on cherche à contourner le droit de la presse en saisissant d'autres juridictions pour pouvoir obtenir gain de cause auprès des journalistes, et puis les fameuses procédures Bayon dont on a déjà parlé. Il y a aussi un énorme problème de l'accès à l'information. Logiquement, il y a beaucoup de d'informations qui doivent être normalement portées à la connaissance du public. Je vais prendre un exemple. Nous, on a à Mediacité beaucoup travaillé sur les notes de frais des élus. Les notes de frais des élus, parce que ce sont des élus de la République, sont publiques et doivent être rendues publiques. Un citoyen ordinaire peut demander à sa collectivité de rattachement d'avoir accès aux notes de frais des élus. Eh bien, pour les avoir, nous autres journalistes, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Il a fallu saisir la CADA, qui est une commission d'accès aux documents administratifs, qui nous a donné raison, mais son avis n'est que consultatif. Certaines collectivités ne se sont toujours pas exécutées, donc il a fallu les menacer de saisir le tribunal administratif tout simplement pour faire valoir ses droits. Et donc, c'est un combat, en fait. Le journalisme est devenu un sport de combat. D'accord. Et ça, c'est pas normal, quoi. On est plus tout à fait en démocratie pleine et entière. Didier. On va peut-être passer à la troisième partie, donc, qui concerne justement quel média on veut. Vas-y. Mmh. Et bon, sur le... Enfin, on va parler de l'EGPI Lillois plus précisément. Bon, on va peut-être pas s'étendre sur l'état de la presse actuelle. Bon, on a déjà parlé. Simplement, je vais laisser la parole à Christian ou à Morgane pour les premières questions. Oui, alors on... Morgane. Donc, on parlait de... Bon, alors, pas forcément s'étendre sur l'état actuel des médias, mais voir un peu les solutions pour... pour leur comment dire leur bonne santé, notamment pour au niveau de la gouvernance des États indépendants et de la presse indépendante, quelles seraient les propositions en fait, donc à la fois pour réguler au niveau les médias dominants et pour s'assurer de la bonne santé de la presse indépendante. Alors donc, la première des deux questions, comment faire pour réguler des médias qui sont contrôlés majoritairement par des milliardaires dont l'activité essentielle n'est pas une activité de presse? Donc, moi, je pense qu'il faut sortir d'une logique classique où l'actionnaire, car il est propriétaire, décide de tout. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Une entreprise, si elle fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a des ouvriers, il y a des employés, des salariés et, dans les entreprises de presse, des journalistes. Donc il faut travailler sur l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on doit décider de tout. Voilà, on n'est pas en dictature. L'entreprise doit se démocratiser. C'est-à-dire qu'il faut créer des contre-pouvoirs, un équilibre des pouvoirs. Il est normal que le propriétaire puisse décider de l'évolution de son entreprise, mais il est anormal qu'il puisse décider du contenu de ce qui est publié dans une entreprise de presse. Parce que sinon, c'est plus une entreprise de presse. C'est une entreprise de propagande au profit qui a été en quelque sorte, dont l'intérêt général de l'information indépendante a été privatisé par un actionnaire. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut donner une existence juridique à l'équipe rédactionnelle, c'est-à-dire à la rédaction. Il faut qu'elle puisse défendre ses droits en tant que rédaction. Et ses droits, c'est la liberté éditoriale. Voilà. Il faut qu'elle puisse participer aux instances de gouvernement, donc au conseil d'administration des entreprises, qu'elle ait un siège, comme les autres d'ailleurs salariés devraient avoir également un siège. Et donc c'est vraiment ce travail-là d'équilibre des pouvoirs sur lequel il faut avancer. Je trouve que c'est mature et que c'est sain qu'il y ait cet équilibre des pouvoirs au sein des entreprises de presse. Donc ça, c'était la première question. Pardon. J'allais dire, on a le cas emblématique de Vincent Bolloré lors de son audition au Parlement qui dit en substance « Je ne vais pas diffuser des choses auxquelles je ne crois pas sur mes chaînes ». Voilà. En fait, il est dans une lecture très datée, très ancienne et totalement pauvre et simpliste de l'actionnariat. C'est « je suis le propriétaire, je décide voilà. ». Et ça, ça veut dire qu'il n'a pas pris la hauteur de son exigence de patron de presse. Un patron de presse doit raisonner différemment. C'est pas possible. L'intérêt de l'entreprise de presse le dépasse. Il faut qu'il comprenne ça. Et je pense qu'on peut y arriver parce que on a créé récemment, de par la loi, des entreprises dites à mission. Et ça veut dire des entreprises qui se sont données comme objectif, non pas uniquement de gagner de l'argent, ce qui est très noble, mais aussi d'améliorer la société. C'est-à-dire, ces entreprises à mission ont pour mission à intégrer de nouveaux objectifs, au-delà de la lucrativité, qui sont des objectifs de non-nuisance à l'environnement, qui sont des objectifs de respect des règles sociales, de la fameuse RSE, responsabilité économique et sociale, dont on parle de plus en plus. Et donc, moi, je pense qu'il faut imaginer un système semblable pour les entreprises de presse. Du coup, j'ai oublié la deuxième question. concernant les mesures à mettre en place pour s'assurer de à la fois si c'est bien de développer des médias indépendants et de s'assurer de leur bonne santé, en fait. Bien. Et vous savez, les médias indépendants, ils ne cherchent pas à être très riches. Hein. Ils cherchent juste C'est souvent des médias d'ailleurs créés par des journalistes, et nous on carbure non pas à la richesse, on n'a pas fait ce métier pour s'enrichir. Voilà. Et moi j'ai pas créé ou co-créé Médiacité pour m'enrichir, d'ailleurs je me suis largement appauvri. Mais en revanche, je lutte pour ce à quoi je crois. Et les médias indépendants, ils sont tous câblés pareil. Ils veulent juste avoir les conditions suffisantes pour faire bien leur métier. Et on parle pas de 1000 et de 100, on parle de pas énormément d'argent. Hein. Donc, je pense que si on reflèche les aides à la presse sur les dépenses éditoriales, et non pas sur la diffusion des journaux, en donnant plus aux plus gros, les médias indépendants se porteront suffisamment bien pour continuer leur travail. Donc, on veut juste sortir, et Médiacité ne cesse de faire appel aux dons, parce qu'on en a besoin, mais au bout d'un moment, les gens vont se lasser de faire des dons. On veut sortir de ce mode de fonctionnement où on est toujours obligé de tendre la main pour continuer à exister, c'est pas normal, pour avoir juste le minimum d'aide publique suffisant pour pouvoir équilibrer nos comptes, et on n'en est pas loin. Nous, il nous manque en gros chaque année à peu près 80 à 100 000 euros. Ça peut sembler beaucoup, particulier, mais pour une entreprise, c'est très faible. Je pense qu'on sert le pluralisme. Je pense qu'on fait du bien, par exemple, dans la région à la Voix du Nord, parce qu'il y a un petit concurrent qui les challenge, et ça fait du bien en interne aussi, et ça fait surtout du bien à la démocratie, et on le voit, on est saisi sans arrêt, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, donc on sait qu'on est utile, mais on n'a pas encore trouvé le modèle économique, donc l'État, je pense, ne pourrait que s'honorer de nous aider un tout petit peu plus pour préserver ce pluralisme de la presse, et je répète, il ne s'agit pas de s'enrichir. Nous, on est payé légèrement plus que le SMIC. On est payé 1,5 fois, pour être précis, le SMIC, pour des journalistes qui ont souvent 4-5 ans d'études supérieures et beaucoup d'expérience, comme je l'ai, hein, ça fait 30 ans que je fais ce métier, c'est vraiment pas énorme. Et on ne demande pas plus. Voilà, on demande juste de pouvoir continuer d'exercer notre métier, parce que c'est un superbe métier, mais il est mal en point. Une question de Didier, mais vous partez quand même maintenant de mercredi prochain. Mmh. Oui, on va parler donc les états généraux de la presse indépendante sur l'île. Donc ça aura lieu mercredi 3 avril, donc à partir de 18h, avec deux tables rondes et une animation et des tables de presse. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, moi j'incite tout le monde à venir. Parce que ça vaut le coup de se pencher sur comment fonctionne le secteur de la presse. Ça vaut le coup de réfléchir à la façon dont on s'informe, parce que la façon dont on s'informe a des incidences sur la manière dont on voit le monde. Hein. Prendre une soirée pour discuter avec des journalistes et poser toutes les questions qu'on veut sur le secteur de la presse, c'est le moment. C'est le 3 avril, de 18h à 20h, à l'ESJ, donc à côté de la place de la République, à Lille. Effectivement, il y aura deux tables rondes. La première s'interroge sur « Avons-nous la presse qu'on mérite ?» Voilà. La seconde porte sur « Comment préserver une presse indépendante et de qualité ?» Et vous avez comme orateur beaucoup de journalistes, un chercheur, la présidente de la Ligue des droits de l'homme du Nord, et surtout on écoutera les questions. Effectivement, il y aura un certain nombre de médias et de collectifs et d'associations représentées. Donc j'ai cité tout à l'heure la Ligue des droits de l'homme, le ATTAC, Politis, la BRIC, la Déferlante, la revue des nouveaux féminismes, il y a également le collectif La Friche. Évidemment, je vais en oublier, mais vous Médiacité, hein, bien sûr. D'accord. Mais voilà, vous avez compris l'esprit, et donc il ne faut pas hésiter, ce sera un bon moment, je pense. D'accord, pour ce qui nous concerne, en tout cas, ATTAC est partenaire, et on va te remercier, Jacques, tu nous as vraiment éclairé sur les enjeux actuels de la presse. Et voilà, merci beaucoup, et on se retrouve donc mercredi à l'ESJ à 18h. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et bon week-end. Voilà, on va passer une petite pause musicale dont je dirai un mot tout à l'heure. Je rentre du terrain, je passe à l'action. Encore une tête que je coupe. Demain matin, il y aura du scoop. Comment ? L'info est déjà sortie sur un site gratuit. Mon sujet est retiré, au mieux retoqué. Je vais devoir tout réangler. Ce genre d'info pour les locaux, c'était à nous à l'époque où les petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres. Fallait qu'un pesticide étrange file tout gratos sur Internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse de la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, c'est pas le pied. Je travaille au fond d'une rédaction, je rentre du terrain, je passe à l'action. Après une brève, la vidéo que je dois poster sur les réseaux. Et puis, faudra tout réécrire, réussir à faire lire tous ces jeunes qui ne lisent plus. C'est bien connu, ah pourquoi j'ai choisi presse écrite, maintenant que tout va trop vite. C'était plus doux à l'époque où... Les petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres. Fallait qu'un pesticide étrange file tout gratos sur Internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse, la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, c'est pas le pied, c'est pas le pied. Alors, cette petite chanson, fallait la trouver, et je l'ai trouvée. Vous risquez pas de savoir ce que c'est qu'une... une petite pastille orange, c'est dans un village de Suisse où le distributeur de journaux mettait une pastille orange sur les boîtes aux lettres pour repérer dans quelle boîte aux lettres il devait mettre le journal de Cossonay. Voilà, si vous connaissez la Suisse, c'est le journal de Cossonay, le journal en question. Voilà, ça fait un tollé dans le canton, puisque personne n'était au courant de cette pratique du distributeur de journaux, du journalier, et même pas sa rédaction d'ailleurs. Voilà, je trouvais ça amusant, il fallait peut-être un peu tendre l'oreille. Mais on va passer aux actus d'attaque, avec Didier qui commence. Donc sur le plan international, une grande victoire avec le CETA qui n'a pas été ratifié par le Sénat. Donc le CETA, l'accord entre le Canada et l'Union européenne, contre lesquels on s'est beaucoup battu à attaque. On ne s'y attendait plus, donc tout ce... comme nous à attaque, donc, qui ont porté la dangerosité du CETA justement devant le public. Eh bien, jeudi 21 mars, un débat démocratique sur les choix politiques commerciales de politique commerciale européenne a enfin pu se tenir, en dépit des efforts entrepris par l'exécutif depuis 2019 pour en priver les Français. Face à un bilan plus que mitigé et à la lumière des menaces réelles qu'une application pleine et entière du CETA aurait fait peser sur les protections environnementales et sociales, les sénatrices et sénateurs ont rejeté la ratification de cet accord commercial qui s'appliquait provisoirement depuis donc 7 ans. Je n'ai pas trouvé le pourcentage de ce qui a été effectué hors règle parlementaire, mais c'est une victoire pour la société civile qui doit désormais ouvrir une refondation complète de la politique commerciale européenne. Et le deuxième point, c'est la riposte des alternatives pour un autre monde avec un Lexa, une manifestation qui aura lieu à Marseille du 26 au 28 avril, et avec un comité de pilotage qui prévoit déjà un certain nombre de thèmes qui seront abordés. La planète B n'existe pas, c'est effectivement intéressant. Guerre et climat, les menaces existentielles de notre temps. Deuxième chapitre, émancipation et solidarité pour tous. Le lien entre migration et travail, effectivement, aujourd'hui s'est tendu sur ces questions-là. Le pouvoir au peuple, s'organiser contre la répression réactionnaire. Et ensuite, enfin, lutter et gagner ensemble. Je précise que Attac fait la publicité de cet événement et que notre copine Monique de Villeneuve-d'Ascq y sera représentée. Alors à Gaza, donc 200 organisations de la société civile demandent la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Face au massacre en cours à Gaza, plus de 200 organisations exhortent l'Union européenne à suspendre l'accord Union européenne-Israël. Il faut savoir que l'Union européenne, le premier partenaire commercial d'Israël, représentant 28,8% des échanges de marchandises en 2022. On ne parle pas des armes. Un courrier a été adressé à Madame van der Leyen. On note que Attac Austria, Attac Espagne, Attac Allemagne ont signé et on s'interroge. Sur le thème, enfin, en résonance avec le thème du jour, on peut dire que 81 journalistes tués sur 99 engagés dans Gaza, donc tués par l'armée israélienne, et ces stats ne datent d'un mois. Oui, effectivement, combien en restera-t-il à la fin ? Quel est le projet de Netanyahou ? La presse, il n'aime pas trop, hein, faut savoir. Au point de vue national, donc, salaud de pauvre, on peut commencer comme ça. Vous rappelez Gabin dans la traversée de Paris. Les réformes adoptées depuis 2019 ont fait chuter le montant des allocations de 17% de chômage et la durée des indemnisations de 25%. Et on retient quand même, et on n'oublie pas, que seulement 36% des inscrits à France Travail sont indemnisés. L'assurance chômage est en excédent budgétaire, et c'est la Catale veut piquer du pognon. Le ruissellement fonctionne, en effet, mais il se fait de bas en haut. C'est pas une fatalité, des solutions sont à portée de main pour mettre en place une réelle justice fiscale. On le prouve avec, ici, Didier. Alors, du pognon, t'en cherches ? Eh bien, en voilà. En voilà 6 mesures pour récupérer 60 milliards avec les propositions d'Attac. Donc il y a 6 propositions. En imposant mieux les plus riches et les multinationales, ce sont au moins 60 milliards d'euros par an qui pourraient être récupérés. Un rappel, les super-profits, les ultra-riches, les méga-injustices, même si la doxa libérale veut qu'on ne crée pas d'impôts et qu'on ne les augmente pas, surtout. En 2022, la France est entrée dans le top 3 du classement du nombre de millionnaires. Alors même que le nombre de millionnaires diminue dans le reste du monde, ça aussi il faut le savoir. Donc Attac propose ces 6 mesures dans ce sens qui pourraient être appliquées dès 2025, notamment via leur intégration dans le prochain projet de loi de finances. Ces recettes supplémentaires devraient permettre de financer les urgences sociales et écologiques, qu'il s'agisse de rénovation énergétique des bâtiments, du logement social, d'alternatives alimentaires face à l'inflation ou de lits d'hôpitaux. Donc la première proposition, c'est imposer l'ensemble des super-profits, donc 10 à 20 milliards d'euros de recettes à prévoir. La proposition 2, c'est instaurer une taxation unitaire contre l'évasion fiscale. Là, c'est quelque chose comme 18 milliards d'euros. Restaurer un véritable impôt sur la fortune, on en aurait pour avec 10 milliards d'euros de recettes. Mieux imposer la transmission des gros patrimoines, 5 à 10 milliards d'euros estimés. Revoir les niches fiscales et sociales, donc là c'est 15 à 20 milliards d'euros. Et en sixième proposition, c'est rendre la fiscalité plus progressive par une juste imposition des revenus financiers. Et là on en aurait pour 2 milliards d'euros. Donc ce sont des solutions concrètes qui peuvent être appliquées. Évidemment, la doxa libérale l'interdit, mais bon, ça doit en tout cas imprégner le débat d'idées. Le détail sur le site d'Attac dans la note « Super profit, ultra riche, méga injustice ». Voilà, et dans le bouquin Super Profiteur, je crois, quelque chose comme ça, qui est édité par Attac, évidemment. Voilà, et puis on pourrait même ajouter que, après tout, dans les différentes mesure. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas dit, je crois. C'est tout simplement augmenter les impôts. Bon. Ensuite, les impôts des riches. Les impôts des riches, oui. Même, enfin, je dis même, nos copains d'Alternative Économique ont fait leur manchette là-dessus ce mois-ci, au mois d'avril. Pourquoi il faut taxer les ultra-riches? Voilà, lisez aussi Alternative Économique. Du changement à Attac, ben peut-être, hein, du 23 au 25 août prochain, Attac tient son week-end de réflexion stratégique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée donc, au programme discussion des orientations d'Attac pour 2025-2028. On va évidemment passer à une AG élective, la réforme des statuts et les grands enjeux associatifs internes. Donc ça remue quand même dans le Landerneau. Et Attac nationale a lancé une grande consultation qui a déjà commencé avec une forme de questionnaire qui est adressée aux comités locaux et qui est adressée non seulement aux comités locaux mais aussi aux adhérents. C'est-à-dire qu'un adhérent peut participer au questionnaire deux fois en tant que comité local et en tant qu'adhérent perso. Voilà, et donc ça a déjà commencé, ça a l'air de prendre, ça nous a l'air intéressant. On va passer au local, donc on concurrence les états généraux de la presse indépendante. Le 3 avril, les rencontres militantes sont organisées à l'initiative d'Attac Roubaix-Tourcoing. Ce sont des rencontres organisées par des militants et des militantes. Pour, donc chaque mois, une invitée vient partager son savoir-faire, ses engagements et ses victoires. Pour faire converger nos luttes et remobiliser tous ensemble dans la joie. Donc Vincent Hédin, qui est un journaliste et auteur du livre « En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite », sera justement ce 3 avril, 18h30, à la FAL, 20 rue de Lille. Je rappelle que ces rencontres militantes avaient lieu toute la saison dernière, le lundi soir, mais que bon, maintenant, ça sera plus sur des thèmes précis et avec justement des rendez-vous qui peuvent avoir lieu dans différents jours de la semaine. Oui, c'est tout à fait intéressant, effectivement. Une conférence également, lanceur d'alerte, rôle et protection, on nous a demandé d'intervenir à cette... conférence. Elle sera... l'invitée sera Marie-Christine Blandin, ancienne présidente de l'ancienne région du Nord-Pas-de-Calais. Je ne doute pas que ce soit tout à fait intéressant. C'est Nord Nature Environnement, nos copains de Nord Nature Environnement qui le proposent. Cette conférence à 18h30 à la Bresse, 5 rue Jules de Vic, bien sûr, à Lille. Donc une autre conférence donc, qui s'intitule Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde. Elle est organisée, celle-là, par nos amis des amis du monde diplomatique. Donc ça aura lieu le jeudi 11 avril à 18h à Sciences Po Lille, 9 rue Angélier. Donc c'est l'amphia Anna Arendt. Donc, chez les amis du monde diplomatique, on parle de rencontres. Donc ici, ça sera une rencontre avec Didier Billon, avec justement son ouvrage « Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde », avec comme co-auteur Christophe Ventura, bien connu d'Attac, qui était spécialiste, enfin qui est toujours spécialiste de l'Amérique latine. Donc, c'est paru aux éditions Agone en octobre 2023. Ok, on finit par Chmoinil, le retour. Le groupe des habitants de Marquis qui se sont battus contre l'installation d'un hub à Marquis et dans les environnements sont de retour. Ils nous invitent, nous Attac, à aller boire un coup avec eux dimanche. La mobilisation, c'est reparti et ça commence bien avec une mousse. On rappelle que Chmoinil, ça a quand même été une grande bataille d'Attac, entre autres, avec beaucoup d'associations contre l'entrepôt XXL de Heineken sur des terres agricoles. Et il y a encore un enjeu, puisqu'il y a un deuxième entrepôt, justement, qui doit être dédié à une autre entreprise. Mais il y a des recours juridiques qui sont en cours. En tout cas, venez, si vous pouvez, le lundi de Pâques à 11h à Marquilly, devant l'entrepôt. Et on termine avec les Roses. Dans Légère, légère, comme une caisse désarmante.